pas carré. J'arrive pas à faire du carré sur ce logiciel. Français, toi aussi. Je cherche comment on synchronise Reaper pour lancer l'enregistrement en Reaper. Moi, ça se. C'est pas synchro. Si je veux synchroniser le métronome de Reaper avec Ninja. Salut Mike, toi tu vas pouvoir m'aider peut-être. Tu sais comment on fait pour synchroniser Reaper et Ninjam quand tu vas enregistrer une boucle? Ouais, Jamtaba. Il faut que j'installe Jamtaba alors. Putain, là quand tu lances l'enregistrement, ça synchronise pas Reaper. Ça se décale et enfin ça part juste derrière. Et... Tu fais la basse, Mike ? J'arrive pas à jouer, c'est pas possible, trop mal. Jamtaba keep falling. I don't have mic. Tu n'as pas de micro, Mike. Mike, mets un micro. Pourquoi ça fait ça, la bordel de merde? Ou alors?